الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أو جان فقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى منه حديث de عبادة بن الصامت رضي الله عنه où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa minna ou laysa min ummati man lam yarham saghirana wa yujil kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah wa ya'rif li'alimina haqqah » wa l'hadith rawahu Ahmad wa l'hakim wa hassanahu al-allamatu al-albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fais pas partie de ma communauté une personne qui ne respecte pas les anciens et qui ne fait pas miséricorde aux jeunes et qui ne connaît pas le droit de nos savants. » Et c'est un hadith que l'imam al-Albani a jugé bon. وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه معلقا عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها الإمام مسلم a évoqué dans son recueil authentique d'une manière معلقا c'est-à-dire sans évoquer la chaîne de transmission une parole de Aïcha qui dit أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Le prophète sallam nous a ordonné et il nous a dit أنزلوا الناس منازلهم Faites descendre les gens à leur place Faites descendre les gens à leur place فهذان الحديثان نصان في توقير العلماء وأهل العلم من طلبة العلم وكبار السن وتقديمهم على غيرهم Et donc ces deux hadiths sont des textes clairs sur le fait qu'il est obligatoire de vouer du respect et de l'honneur aux gens de science, que ce soit les savants ou les étudiants en science, et aussi de vouer de l'honneur et du respect aux personnes âgées. فالعالم وذو العلم لهم حق في الاحترام والإجلال والتقديم على غيرهم من الناس. Certes, les savants et toute personne affiliée à la science ont un droit, le droit qu'on les respecte, le droit qu'on les honore et le droit qu'on les fasse prévaloir à tout autre parmi les gens. وفي حديث عائشة المتقدم ذكره إشارة إلى أن نعطي كل ذي حق حقه. إذن الحديث de عائشة أنزل الناس منازلهم faites descendre les gens à leur place. Il y a une indication sur le fait qu'on se doit de donner à tout détenteur de droit son droit. فالعالم له حقه. Et le savant, il a son droit. والكبير له حقه. Et la personne âgée a son droit. والأمير له حقه. Et le dirigeant, le gouverneur, a son droit. والشيخ القبيلة له حقه. Et le chef de tribu a son droit. ولا يظن ولا يظن الإنسان أن الناس جميعا يعاملون معاملة واحدة سواسية. Et que personne ne pense que l'on se doit de se comporter, que l'on doit se comporter avec tout un chacun d'une même et unique manière. فيعامل العالم كما يعامل الجاهل. De telle sorte que on se comporte avec le savant comme on se comporte avec l'ignorant. ويعامل الكبير كما يعامل الصغير. Et de telle sorte qu'on se comporte avec la personne âgée comme on se comporte avec le jeune. ويعامل الشيخ القبيلة كما يعامل الأفراد العاديين من الناس. Et de telle sorte que l'on traite le chef de tribu comme n'importe qui parmi les gens de la masse. فهذا غير صحيح إطلاقا. Ceci est une compréhension erronée. Et ce n'est pas juste. وليس من الآداب. Et ça ne fait pas partie du comportement. فإن احترام العالم وذوي العلم وذوي العلم أمر لازم شرعي. Le fait de respecter les savants et les gens de science est une chose obligatoire. وإن من مقياس انضباط الأمة الأخلاقي من توقير العلماء وأهل الفضل منهم وطلاب العلم وكبار السن. Et le critère par lequel on juge d'une communauté qu'elle a de bons comportements n'est autre que le respect qu'elle voue envers les gens de science et aussi le respect qu'elle voue envers les gens âgés. فتوقير العلم والعلماء من إجلال الله عز وجل. Et le fait de respecter la science et les gens de science, c'est une forme de vénération d'Allah عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه. Et ceci parce que celui qui respecte les choses sacrées d'Allah عز وجل, alors ceci est meilleur auprès de son Seigneur. وقال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et ceci parce que celui qui respecte la législation d'Allah عز وجل, alors cela fait partie ou cela indique la piété de son cœur. وكان الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يقول في عقيدته المشهورة. الإمام الطحاوي a dit dans son livre عقيدة الطحاوية علماء السلف من السابقين ومن تبعهم من التابعين من أهل الخير والأثار وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. Cet imam a dit que les savants parmi les pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis dans le bien et les gens qui suivent la sunna ainsi que les gens de science et tout autre, il n'est pas permis si ce n'est de les évoquer en bien. Et celui qui les évoque autrement qu'en bien, alors certes, il n'est pas sur le droit chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Il est venu un hadith de Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna min ijlalillahi azza wa jal fait partie de la vénération d'Allah azza wa jal ikramu du shaybah al-muslim le fait d'honorer une personne âgée dont ses cheveux sont devenus blancs parmi les muslimines wa hamil al-Qur'an al-ghayr al-jafi عنه والغير الغالي فيه et aussi d'honorer le fait d'honorer celui qui a mémorisé le Coran et qui en abuse pas et qui ne néglige pas وذي سلطان المقسط et aussi le fait d'honorer un dirigeant juste وهذا حديث رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. Et donc ceci est un hadith كذلك que le noble savant الألباني a jugé bon. نعم. فاحترام أهل الفضل والكبراء في السن أمر لازم. فلا يجوز الطعن فيهم والكلام عليهم بغير حق بسب وشتم وغيبة ونميمة. Et il n'est pas permis à quiconque de parler sur les savants et de les insulter ou de médire d'eux ou de les blasphémer. فقد قيل عن غير واحد من السلف أنهم قالوا لحوم العلماء مسمومة لحوم العلماء مسمومة. Et certains des pieux prédécesseurs avaient l'habitude de dire que la viande des savants est empoisonné. وإن كان ذلك ليس بحديث فإنه كلام حق وصواب. Et même si cette parole, c'est la parole de certains salafs, comme l'imam Ahmed ou autre, même si cette parole n'est pas un hadith, c'est une parole juste et pleine de vérité. وكان الإمام ابن المبارك يقول. Et l'imam ibn al-Mubarak, il avait l'habitude de dire من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. Et celui, il avait l'habitude de dire que celui qui méprise les savants, alors certes, sa dunya, son au-delà est parti. Il a perdu son au-delà. Celui qui méprise les savants, alors certes, il a perdu son au-delà. ومن استخف بالأمراء فقد ذهبت دنياه. Et celui qui méprise les dirigeants musulman, alors certes, il a perdu sa vie d'ici-bas. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالْإِخْوَانِ فَقَدْ ذَهَبَتْ مُرُوَتُهُ. Et celui qui méprise ses frères en islam, alors certes, ses bonnes mœurs et son bon comportement se dissipera de lui. نعم. فَهَذَا تَوْقِيرْ الْعُلَمَاء وَأَهْلِ الْعِلْمِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَقُولُونَ الوقيعة في أهل العلم من كبائر الذنوب. Et certains plus prédécesseurs avaient l'habitude de dire que le fait de parler sur des savants, ceci constitue l'un des plus grands péchés. وقال بعضهم وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. Et la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ceux qui parlent et qui médisent des ulama est bien connu. Et que celui qui parle sur les savants sans droit, sans aucun droit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouvera avant sa mort en faisant mourir son cœur. Fa'adha توقير العلماء وكذلك في الحديث توقير واحترام الكبراء في السن فاحترم أيها المسلم فاحترم من هو أكبر منك سنا. Donc respecte, ô toi le muslim, ceux qui sont plus âgés que toi. ولا ترفع صوتك عليهم. Et ne lève pas ta voix sur eux. Voilà, tatakabbar alayhim. Et ne t'orgueillis pas face à ceux qui sont plus âgés que toi. Wa iyyak wa iyyak an tarfa yadak ala man huwa akbar minka sinnan walaw biyawm. Et prends garde à ne jamais lever ta main sur une personne qui est plus grande que toi, même si elle est plus grande que toi d'un jour. فإن هذه عظيمة فإن هذه جريمة عظمى. Car ceci est un grand crime. Ceci est un grand crime. وليستحي أحدكم أن يرفع يده على مسلم لا سيما إذا كان أكبر منه. Et que l'un d'entre vous ait honte de lever sa main contre un musulman, surtout si celui-ci est plus grand que lui en âge. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui, le fait d'insulter un musulman, c'est une perversion, et le fait de le combattre est de la mécréance. نعم. فاحترم أيها المسلم من هو أكبر منك سنا وكذلك ممن يجب الاحترام الآباء والأمهات. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصاحبهما في الدنيا معروفة. Et aussi parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a imposé le respect, il y a les parents, les mères et pères. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وصاحبهما في الدنيا معروفة. Et fréquente-les, c'est-à-dire fréquente tes parents d'une bonne fréquentation. Fréquente tes parents d'une bonne fréquentation. وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Et ton Seigneur a certes décrété que tu n'adores que lui et que tu te comportes envers tes parents d'une manière excellente. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف فلا تقل لهما أوف. Et Allah سبحانه وتعالى dit, et si l'un d'entre eux, parmi tes parents, ou les deux, viennent atteindre la vieillesse auprès de toi, en ta présence, ne leur dis jamais, ne serait-ce que la parole « ouf » « wala tanharhuma » « wa qul lahuma qawlan karima » Ne leur dis pas ne serait-ce que la parole « ouf » « ta'ammalu ya ibadallah » Ne dis pas, Allah subhanahu wa ta'ala est interdit que l'on dise ne serait-ce que « ouf » à nos parents. فَمَا بَالْ بِمَنْ يَأْتِي بِالْبِسَبْ وَشَتْ. Alors qu'est-ce qu'il en serait pour celui qui vient avec des insultes envers ses parents? نعم. فَهَذَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ الْإِحْتِرَامِ وَالْإِحْتِرَامِ وَإِحْتِرَامِ كُلِّ ذِي حَقٍ أَمْرٌ لَازِمٌ وَلَا صَلَاحَ وَلَا صَلَاحَ لِهَذِي الْأُمَّةِ إِلَّا بِهِ. Et donc le fait de respecter tout détenteur de droit est une chose obligatoire. Et la communauté n'ira jamais bien, n'ira jamais vers le meilleur tant qu'elle ne respectera pas ce genre de base. Wa kana al-imam Taous ibn Kaysan ahadu talamid Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul. Et le grand imam Taous ibn Kaysan a dit min as-sunnah an yuqira arba'atun. Fait partie de la sunna, fait partie de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, que soient respectées quatre catégories de personnes. Al-alim, le savant. Wal-kabir, dhi-shayba, la personne âgée, dont ses cheveux sont devenus blancs. Wal-sultan, ainsi que le gouverneur, le dirigeant. Wal-walid, et ainsi que le père. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alayhi salatu wassalam. Amma ba'du, fala yufham min tawqiri al-muslimin li'ulama'ihim wa kubara'ihim وآبائهم أنهم يقلدون في الباطل أنهم يقلدونهم في الباطل. Et on ne doit pas comprendre du fait que l'on se doit de respecter les savants ainsi que les gens importants ainsi que les parents que l'on se doit aussi de les suivre d'une manière aveugle même s'ils nous conduisent dans le faux. فهذا غير صحيح بل نأخذ ما كان منهم حقا بآداب واحترام. Mais au contraire, on prend ce qu'il vient d'eux comme vérité, on prend cela d'une bonne manière, avec respect. وَنَذَعُوا مَا كَانَ مِنْهُمْ بَاطِلًا بِاحْتِرَامٍ وَأَدَبٍ. Et on délaisse ce qu'il vient d'eux tout en étant faux. Et on fait cela avec respect et comportement. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاءه عروة بن الزبير ويجادله عن متعة الحج. Et voici عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة l'un des plus grands savants de cette communauté. Lorsque est venu débattre avec lui عروة بن الزبير au sujet d'un point religieux sur le fait est-ce qu'il est permis de faire la Umrah durant les jours du Hajj. فقال عروة إن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. Et عروة il s'est appuyé sur les fatwas de Abu Bakr et de Umar. Il s'est appuyé pour débattre avec Abdullah ibn Abbas sur les fatwas de Abu Bakr wa Umar, alladhani huma min akabiri ulama as-sahaba. Et Abu Bakr et Umar sont les deux plus grands savants parmi les compagnons. Wa huma akbaru min Abdullah ibn Abbas sinnan. Et ces deux, c'est-à-dire Abu Bakr et Umar, ils sont plus âgés que Abdullah ibn Abbas en âge. ومع ذلك et malgré tout Abdullah ibn Abbas il a répondu à Urwa ibn Zubayr بهذا الكلام البديع. Il a répondu à Abdullah ibn Abbas à Urwa ibn Zubayr avec cette parole éloquente lorsqu'il dit هذا الذي أهلككم والله وما أرى إلا سيعذبكم أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئني بأبي بكر وعمر. Je vous informe, Abdullah ibn Abbas il dit, je vous informe, ou il dit, voilà ce qui va causer votre perte. Et je ne vois que cette chose-là pour causer votre perte. Je vous informe au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Je vous rapporte des hadiths qui viennent directement du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous venez, vous me répondez contre ces hadiths par la parole d'Abu Bakr et de Omar. وَهَذَا عَبْدَ اللَّهِ ibn Omar. رضي الله عنهما. Et voici عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن متعة الحج. Il y a un homme parmi les gens du Cham qui est venu trouver ce compagnon, c'est-à-dire عبد الله بن عمر. Et il lui a posé la question au sujet, est-il permis de faire la Umra durant les jours du Hajj? فقال له عبد الله هو حلال. Oui, cela est permis. فقال الشامي. Et cet homme du Cham a répondu à Abdullah ibn Omar, إن أباك ينهى عن ذلك. Mais comment toi tu dis que c'est permis alors que ton père l'interdit? Le père d'Abdullah ibn Omar, c'est Omar ibn Khattab. Alors que ton père l'interdit. فقال له Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar lui a répondu, أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله. Vois-tu, donc Abdullah ibn Omar il répond à cet homme et lui dit, vois-tu si mon père l'interdit alors que le prophète صلى الله عليه وسلم a bel et bien accompli cette chose, est-ce que nous allons suivre l'affaire de mon père ou l'affaire du prophète alayhi salatu wassalam. Faqala al-Shami, bal amra rasulillahi sallallahu alayhi wassalam. Et l'homme du Sham a répondu, bien sûr, on se doit de suivre l'affaire du prophète alayhi salatu wassalam. Faqala Abdullah, laqad sana'aha rasulullahi sallallahu alayhi wassalam. Et c'est là qu'Abdullah lui a dit, alors certes, le prophète a certes accompli la umra durant ces jours-là. Naam. وهذا كان منهما من هذين الصحابيين الجليلين من باب إنزال الناس منازلهم. Et ceci venant de ces deux compagnons, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar, n'est autre que leur pratique du hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, descendez les gens à leur place. وقد قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur et ne suivez nul autre parmi les alliés en dehors de ce qui vous a été révélé, c'est-à-dire le Coran. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.